Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Du sous-sous pour na mbokanabiso comme d'habitude. Et lelo tozali ko senga na tout le monde. Oyo azali esclaveté. Esclave en pensée. Il y a batou moussousou. Bozoa vraiment courage. Na le temps, na volonté. Yakolanda biso. Na lobi bien. Soki olingi o se libere. N'esclavagisme. Il y a ba politicien soi-disant ya mboka na biso. Bolandangai bien. Libérez-vous, mes chers amis. Libérez-vous, mes chers amis. Lelo naye tomeka un peu ko solola sur 5 points. Sixième et vous allez divers peut-être. Nazolo bela lelo makambo itali élection. Titre et adresse na biso ya lelo. Ezali clair au fond la makutu titre nabiso Ezali le pro Fayulu égal au pro Tshisekedi Nabanela Nalubiboye. Le pro Fayulu, bato yo bazolanda Fayulu, bazali ndenge moko na bato oyo balandaka Tshisekedi. Les deux groupes Bazongi sa bango makila moko. Wana titre na biso. Point liboso to kolobela les contextes électoraux. Point mibale to kolobela Fayulu en 2018. Point à Messa Toutokolobela, les élections de 2023. Quatrième point, Toutokolobela, les candidats. Cinquième point, Toutokolobela, qui vote? Nanya pour voter. Sixième point, comme je l'ai dit, et cause à la divers. Na divers wana s'il vous plaît bolandangai malam. Pour la banda d'abord, na lingi peut-être na répéter quelque chose au na sina lobela. Je suis un monsieur libéral. Libéral aussi au sens politique. Nazali, un activiste des droits de l'homme. Même si formation n'angaï. Nazali politologue. Les droits de l'homme. Et Zali Kosala fait partie y a sciences politiques. Je me suis beaucoup plus penché dans le droit de l'homme. L'activité où on a mené dans le continent d'Asie pendant au moins 20 ans. C'est prouvé. À moins qu'on soit dans la mauvaise volonté. L'activité où on a mené l'Ibanda pays à Asie, mingi mingi na institution internationale. Mboka ezali na monde oto bengi lelo monde moderne. Tozali kolanda ba exemple ya ba mboka oyo ba developa banda kala. Tozali kolanda ba exemple na bango. Tozali kotente biso pe to moderniser, to civiliser société na biso. Na Afrique, na ba pays mingi asiatique, na ba pays mususu ya latino américain, na tango bozali na kati ya mboka na bino, mingi mingi ba mboka wana ezali na ba système ya dictature. C'est-à-dire, Batumoko, un groupe de gens, bavandi na pouvoir, balingi kotika pouvoir, te bazali ko imposer. Loi na bango, bazali ko s'imposer, bazala na pouvoir. Ce qui au contredire bango, bako attaquer yo physiquement, bako attaquer yo moralement, psychologiquement, pour ba faire taire yo. Et information sur gestion ya mboka, ndenge nini mboka ezali kotambola, na ba mboka ana mingi mingi, information ana bokozwa yango, et pa ya batu oyo bazali ko diriger bino. Batu ya mboka ya boye, boko ya ko remarke réellement ce qui se passe na mboka na bino, soki bobimi libanda ya mboka na bino. Boko ya ko remarke ke, oh, c'est vrai, mboka na biso en réalité, ezali ndenge wana te ko yiko tambola. Mais na tango bozali na kati, vous trouvez ça normal. Ce qui se passe, vous trouvez ça normal. Alors, na 21e siècle, oyo, merci na développement ya Haïti. Haïti, ezali information technologique. Na katia Haïti wana, tozali komona ba réseaux sociaux. Ba réseaux sociaux ezali mabete. Mabe ya réseaux sociaux ezali kokota soki bo utiliser yango mabe. Réseaux sociaux yeko permettre batu. Même au bima na libanda ya mboka na yote. même okenda ba classe milaite ozwa ma plombe belete okoyikotanga yo moko na ndako okoyikozwa information sur mboka na yo qu'est-ce qui se passe okoyikozwa information sur ba dirigeant na yo baza banani okoki donc ko se développer comme humain okoki ko se civiliser comme humain. Ndenge nakoti koloba yango, ça dépend maintenant ndenge nini bozali kuutiliser les réseaux sociaux. Pona kende mulaite parce que nako diskite mo makambo ebele. Na organisation moderne oyo ya mboka de la cité. Ça dépend de ce que vous avez société nabino et kende. Lelo mingi mingi. Na bato yo babengi ba bloc capitaliste. Ba pona système na bango ya gouvernance. La démocratie. Oezali pouvoir ya bato na kati ya mboka wana. Oezali dirigé et pas yabatu yamboka wana. Oezali pona batu yamboka wana. Yamwana babengi démocratie. Na kati pe ya démocratie, bazali ko préféré méthode, façon, ya kozwa ba dirijan na bango. Ndenge nini, to kozwa ba dirijan, batu oyo bako mema biso. Bazali ko pesa yango timing, temps. Bon, groupe oyo baya, bo pesa bakombo, soki bolingi ko dirije biso. Bo pesi bakombo, mutu na mutu esika vandi, aponi mutu na ye o alingi. Oyo alongi na mapona miebele, ye muta ko dirije. Et timing wana tolobi, par exemple, 4 ans, 5 ans, sa depan ya bamboka, 6 ans pe ezali. Ce qui est normal. Mais maintenant, batu oyo toko pona po baya ko dirije biso, metodo toponi o ba bengi election. Ba utini ne ko facilite biso po topona batu wana. Nani muta ko zala esika wana po akamba ba election oyo. Lelo nazo kende d'une façon simpliste. Pour que Moutounion sa comprendre. Et c'est comme ça que j'enseigne. Nabakour nanga soki aux huiti. C'est que vous allez Félix. Franchement. Soki aux huiti aux allez Félix, c'est pas moi qui le dis. Mais étudiant dans la barobaka. Parce que na simplifia ka tout, je me donne la peine. Ya ko mema ce que je vais dire. Parce que les ouvrages scientifiques, ezali dense. Pour nous comprendre yango. Alors, na simplifia kango au niveau par rapport ya ba étudiant. Surtout bakoyo bazali au niveau ya graduat. Au niveau ya master, doctorat, ça pose pas problème. Baza déjà habitué. Na élection oyo bazali koluka, bakoluka nani akolakisa akozala wana po a contrôler azala na gestion moto na ifwa zala honnête, moto na ifwa azala biaisé, azala partisanté, moto na ifwa azala sincère, c'est-à-dire background na ye, vie na ye passé, et ko lakisa bino ke moto oyo, vie makambwa sala, to moni kazali honnête, azali sincère, akoki ko ede biso pour na ko diriger ma bonomi. Yango ba bengi commission ya élection, président ya commission ya élection na batunaye o balandiye. Na okene musikati pour na introduction wana. Maintenant, tokene na kaya mboka na biso, c'est le premier point. On a bengi les contextes électoraux. Tozui à l'époque de Mobutu. Mobutu, système na ye, zala ki système dictatorial. Parole d'évangile. Olinga, olinga te, Mobutu. Mobutu abandai ko po na batu na ye ko dirije be election ya ye na ndenge na ye. Oko vote kandida kaka moko. Oke na bile na bureau de vote ozali ko mona deux bulletins de vote. Deux catégories de bulletins de vote. Ya couleur rouge na ya couleur verte. Couleur rouge est ça qu'on batama. Pour n'a qu'on tromper vigilance, y'a batou y'a libanda. Yo meka ko zwa couleur rouge wana, koma, tchana urne, obima libanda, okene nanda kuna yo, olala, ozala na vie. To yebi. Peut-être bana na biso wa botami siko ba yebi mobutu te. Et ça passe pour Nabango pour comprendre. Vous allez voter car couleur verte. Et ma couleur rouge, je vais comme un mingi dans ma grande ville, Kinshasa, Lubumbashi, ma ville Minene. Dans ma village, couleur rouge, je vais en avoir pour ma paya, ma okende, na bamboka kunate. Mobutu azalaki toujours élu 100%. Mobutu est parti. Joseph Kabila yé na ba contexte oboyebi. Joseph Kabila a cédé en quelque sorte na pression ya batu ya libanda. Na batu ya kati ya mboka. Batu ya kati ya mboka ba citoyen congolais. Batu ya libanda. Ba paya, ba africain, ba européen, ba américain, ba asiatique. Plus la diaspora congolaise. Pression, Kabila saïsa. Ba élection. Andimi oui, na ko saïsa ba élection. Mais Congolais, azala ki maye le mingi te. Yakoye ba ke kosa isa ba election. Ezali finalité te. Ba outi, nani, ou ya kosa la président, ako dirige ba election ana. Ezali très important. Na 2016, Kabila fait semblant y a organisé l'élection. Ba candidat ba yaki. Et belé. Mais on peut retenir deux candidats. Bien que ba mususu bazalaki. Je retiens deux candidats. Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba. Na batu oyo bazali éveillé na kati ya Congo. Ba Congolais o ba yebi réalité ya Libanda, à partir ya Libanda. Ba kebi si Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba ko kende élection wana te, parce que ezali élection moko piège, ezali triqué, Kabila sera élu par lui-même. Jean-Pierre Bemba mutu mangongi a yoka kite. Boyebi ndenge sukaki. Makila ba Congolais tangaki. Kabila a continué toujours mandat na ye, banda prise ya pouvoir. Timing o na lobi e koki en 2011. Bien avant 2011, na 2010, préparation, il y avait élection en 2011 et bandi. Commission électorale, il faut avoir un moyen pour mener l'élection. Ça, c'est l'élection. Kabila, pour appeler ça mbongo, il y a un moyen wana, azali ko sala manœuvre, manœuvre, manœuvre, pression, pression, pression. Amoni ba coréen ba salisa ye pona ba machine a voté. Boyebi ce qui s'est passé. Ba candidat ba ye lisusu. Awa pe na kozwa échantillon à ma candidat Mibale. Joseph Kabila, encore, et Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Le même acteur, Oyoba Pekisaki, Jean-Pierre Bemba 2006, baye les sous, toye les sous parce que j'en faisais aussi partie. Ko Pekisa, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. On croyait à cette époque qu'il était réellement pour le peuple. Bien que Batou et Bélé, moi y compris, tout yébaï que papa n'a aventurier. Mais hélas, tout allait qu'on s'imposait un système démocratique, la loi de la majorité. Majorité balobi que yende. Tout ça la ligne. On accepte. Mais tout ce qui est qu'il y a une élection à la tête. A Boyaki Kolanda. A qu'il y a une élection. Ti a koti na mabele. A ti a li kozo pouvoir ou à la tête. Vous comprenez déjà que le Congo est en train de se construire une histoire électorale. Histoire ezali rétrovisaire. Ya mboka, ya société, ya mutu. Po esalisa yo okende malamu na future. Histoire ezali malamu. Pour oser une image de ce qui s'est passé, pour oser une keba keba, na kotambula na yo oezali kokende. Ba oyope ba koya simana bino, ba koyeba, awa, ba kulutu na biso, ba koko na biso, ba sana ki mbeba. Keba, toke ni lisusu na mbeba wana te. Parce que soki toke ni na mbeba wana, résultat ko zalaka ka yango wana bango bakendaki na gauche voilà ndenge basalaki ils ont échoué biso toke de na droite voyons voir na mutu na biso to chaka déjà que ba étape oyo ba obaleka ki liboso na biso basalaki yango ebebisaki makambo processus po bakende malamu. Congolais mémoire ya mukuse. Congolais n'a pas besoin d'histoire. Tu y es en 2018. Kabila comme il a timing. Pression à tika pouvoir à Lungwa. À sali semblant, comme toujours, il a organisé l'élection. Toye li sous. Kope ki sa. Ba oyo nyo sou apesa ki ba candidature na bango. Awa li sous, je prends un échantillon, deux candidats. Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou. Les contextes où il me maquille que tous les deux candidats wana, bangoumi balé soi-disant baouta qui na opposition entre guillemets. Et pesa qui moi espoir. Nous nous sommes dit bon voilà. Bien que ma trahison est là qui na Genève. Mais bangomi balé bazali batu oyo baouti, ce sont des produits yaba oyo babengi soi-disant opposition. Fayoulou a évolué ba pembeni nzinga nzinga ya Tshisekedi et d'ailleurs sa politique ezali copie conforme na politique ya Tshisekedi wa Mulumba. Félix azali mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais biso batu to mona ki liboso. Tu yaki ko kebisa, Félix. Azali isu suna bisote. E bele bandima ki te bomona ki surtout la diaspora ete divisé. Ba te bele ba yele ke biso balobi bo pesa biso tan. Ba te bele ba yaki balobi Félix ou jamais. Retenez bien, phrase one. Félix ou jamais. Toyoka yango na histoire ya mboka na biso, na histoire électorale ya mboka na biso, na histoire ya ba nomination ba premier ministre ya mboka na biso. Tshisekedi wa Mulumba ou jamais. Soki boyoki phrase one. Bozala na keba keba, na koya, bo retenir, Tshisekedi wa Mulumba ou jamais, Félix ou jamais, retenez ça, je vais revenir. Élection est salami. Nyon so o to bande ko pekisa, bo keba. Moutou nyon sa za convaincu que Martin Fayoulou a gagné qui l'élection là. Ndenge na uti koloba ko organiser l'élection ko pesa candidature ezali finalité té. Conséquence ndé ab élection là c'est quoi? Nani muta ko diriger élection là? Nani muta ko pesa résultat ya élection là provisoire? Nani mouta ko confirme ango na cour constitutionnelle. C'est ça le problème. Na bamboka ya Afrique. Na Congo na biso. Fayoulou a tamboli partout pour na ko réclamer résultat élection na ye. A joa gain de cause ti. Bon, l'entendra bien. J'ai été parmi des gens où il y a sepela qui na nomination ya Fayoulou na Genève pour azala candidat ya opposition. J'ai été parmi des gens Boutou, Moï, bon, l'entendra bien, s'il vous plaît. bato fayulu bona nanga bien. J'ai été parmi des gens, ba acteurs principaux na diaspora. Na sacrifier tant nangai, na sacrifier misala nangai, na sacrifier famille nangai, pour te soutenir fayulu. À partir de diaspora, on a influencé bato na Congo. Bandeko na biso, ba ami na biso, ba oyo balingaka biso. Pour leur dire, votez Fayulu. Bato ebele ba finga biso parce qu'azali moto abandundu. Yango bozali ko supporter ye. Mais Fayulu a été élu na est ya mboka na biso. Fayulu a été élu na Équateur. Fayulu a été élu na Bakongo. Fayulu a été élu na Katanga. Azala ki élu na Kivu. Na province orientale. Sauf na Kasai. Fayulu azala ki élu te. Excusez-moi, je suis en train de vérifier quelque chose. Oyo na ko lobela isusu. Alors, Fayulu atamboli a joué gain de cause te, ya résultat wana. Na tango, nanga ye ko pesa résultat provisoire. Fayulu ake nango na justice. Avant ake na justice, cour constitutionnelle a pesi, a confirmé résultat ya nanga. Bato ebele oyo tozalaki ko supporter Fayulu. On a contacté Fayulu, on a contacté ma pro Fayulu pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ndenge na bisaka bino mes chers amis, na Congo na biso soki oyebani bato bakomi koyeba yo komi mapeka. Okoyoka lisusu bato te. Na cadre ya ba pasteur yo yebi Bible nyonso, moli mo santo ezalaka ke pa na yo. Nzambe a visitaka kaka yo. Na milia ba politicien, politique nyonso evandaka na mutu na yo. Yo muto maîtrise politique nyonso. Muto mso akope so conseil te. C'est ça les Congolais. Martin Fayulu a tamboli. Rien. Résultat exacté. Ngai na banda ki deja kozwa mwa ba distance moke. Na kopesa support na ngai pa Martin Fayulu. Na lobaka yango na bomba kati. Mes chers amis, condamnez moi bofinga nga probleme ezati. Mais du moins makambo o na zoloba. Soki oke na toilette. Oko kanisa yango ke non, le monsieur là a raison. Alors bien, soko ke na toilette, oza yo moko kuna. Et si ka ba pense ko ye la yo ke non, le monsieur là azan a raison. Pourquoi na bandai ko zwa moins distance avec Fayulu? Bien que po nanga na lobaka na bomba kati, je l'ai dit na ba vidéo nanga nyoso. Na ba politicien o baza na Congo na biso. Moto oyo na kopi ko pesa mwa kredi. Eza Fayulu. Kredi na ko pesa ye se sur base ya kredibilite na ye. Il n'a jamais volé, bon à l'état. Il n'a jamais tué. Il a au moins étudié. C'est très important. Donc, na lobaka ngo ba to Fayulu boyoka kabe boyoka kati. Na ye ko banda ko zwa ko retirer confiance na nga moke moke. Je vois Un matin, avant ce jour-là, Mozito, premier ministre, Kabila lelo soit comme comme la biso. Et ça a été comme ça. Ba Congolais, biso ba Congolais, to komisa Kabila ndengwana. Et ba to ba komisa Kabila ndengwana na banani. Ba to lokola ba Mozito, ba to lokola ba Matata, ba to lokola ba Katumbi, ba to lokola ba Gizenga. Bango ba to ba komisa Kabila ndengwana. Parce qu'ils sont Congolais. Mozito, premier ministre. Moi, je n'ai pas de problème avec Mozito. Je n'ai pas de problème avec Mozito. Les Kambouyanga na Mozito ezali moyipi ya bakese à l'État. Tout comme le premier ministre Nyon sur la mboka na biso ba yiba bakese à l'État. Mozito a sa l'exception te. Bango nyonso. Ezala ba etien tu sekre molumba. Ndakwa limete wana ezala moyipi. Mozito, premier ministre de Kabila. Kabila Longolie. Mozito n'a même pas fait une semaine à traverser Barabala à yen opposition. La première personne au Ayamba qui Mozito na Oba Bengi opposition, c'est Fayulu. Mes chers amis, Mouyibi a koti na prison. Ayibaka. Babimishi na prison. Oyeko mona sangwa ayeko yambaye. Il faut se poser des questions. Ça m'a révolté. Je me suis dit, mais écoutez, ce type ici Fayulu quand même, Azali Moutouazan a crédit. Ba Congolais baza ebele, crédible. Moussala Oyo, Mozito a koyi ko sala pona Fayulu. Ba Congolais baza ebele, ba koyi ko sala yango. Ba Congolais Oyo, ba koyi ko sali saye, bazali ebele. Mais pourquoi ce type ici qui se dit crédible s'attache à quelqu'un qui a détourné ce pays, à un criminel économique, à quelqu'un qui a donné des béquilles à Kabila pour l'élection na ye Fayulu et commandoto ya baba président Sazwa yangote banane ba pesi makasi wana epa ya Kabila, n'est-ce pas batu lokola ba Mozito? Dire ça l'inkolo ba kolingi Mozito te, mais non, Mozito c'est un frère, Mozito aussi c'est mon beau-frère. Mais na makambo etali mboka ki frère ezate, ki beau frère ezate, régionalisme ezate. Ngai ozala mutu ya mboka na ngai. Soko ozali malamu, ozali malamu. Soko ozali mabe, je viens, je te critique. C'est ça la société civilisée. C'est ça la société civilisée. Fayulu atamboli na Mozito, atamboli na bandiko yebisa batu ya Fayulu. Excusez-moi mes chers amis, bandeko obolanda kangai quand même à un certain moment, bo kote la kabiso. Bo yoka kangati, ko kebisa Fayulu, Mozito n'est pas un opposant. Mozito n'est pas un opposant. Et bele bandeko yelangai, ba yela kangai. Olingi était pourquoi Motope a changé ka azalende kona yo abandundu, pourquoi ozaboye, pourquoi acharnement na Mozito a salionini. Les Congolais ne comprennent pas la société c'est quoi, l'État c'est quoi. Ayebite na kebisi bata Fayulu, même yemoko lui-même Fayulu na lobela yango na yebisaye. Vous êtes crédible, mais crédibilité na yo ezo sila. Dès lors que vous vous associez aux criminels, vous posez à criminels économiques. Bisoto zana mbongote. Mais en ce qui concerne le pays, si vous en avez besoin, on connaît des gens toyebi batu, toyebi organisation, organisme na monde oyo, tokoyi ko mema yo. Po bapesa yo mbongo ya kosa ya kokena ba campagne électorale. Mbongo na yo ezaka ka mozito te ifa pesa yo. Ndenge na uti koloba, mes chers amis, Fayulu, bon, il se croit, le colaza populaire, le colaza commissaire populaire, il maîtrise tout. Mes chers amis, bayombistes, les lobos yoki ba fayuliste, bango moko, ba fayulu bango moko, ba komilis jusqu'au finga mozito. Nanya za zoba. Nani aza zoba, mutasuki ya pembe, mukolo moko boye, mutaza zoba, ubie bino batu bozaba zoba. Lelo Fayulu akomi mabe, mozito akomi mabe, na kebi saki bino banda epok, mozito akite kabila, mpana moko atraversa yen opposition, Fayulu ayambiye, na kebi saki bino na lobaka muna ba video na nga nyoso. Kombie bo ataka kingayi? Acharnement contre Mozito. Acharnement contre Mozito. Lelo. Tout ce qui wapi. Lelo, tout ce qui wapi. Mozito a commis ma bé. Mozito a commis ma bé. Congolais. Congolais. Mes chers amis, ce qui vous l'a langage, il y a battu des pèses, ma milouvor. Bango Balobaka, Babandagina, nous étions Tshisekedi Mulumba ou jamais. Étions Tshisekedi Mulumba ou jamais. Et tu sais ce que tu ou jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est tient de sécurité, alors, tu es un peu de c'est très dangereux. Mais, batu ou tu es un peu de temps, ou jamais, ce sont des gens qui se disent démocrates. Ce sont des gens qui se disent civilisés. Ce sont des gens qui se disent intelligents. Lelo oyosoki botali, mes chers amis congolais, même olinga kangate, bolanda langage ya batwa Fayulu. Bolanda langage ya batwa Fayulu. Fayulu ou jamais. Candidat unique, Fayulu ou jamais. Batu Oyobozoka, ce sont des gens civilisés, soi-disant. Ce sont des gens au Bakendana. Et surtout, ce sont des gens qui se disent Bavani dans un pays démocratique. Mais non, Naïf Sakabi, non. Poto pour la vie sur les Congolais, ils en ont battu Nango. Ils en ont battu Nango. Un pays, il y a plus de 100 millions d'habitants. Oh, tout le monde est libre à faire sa candidature na ye, pour ba voter. Ba ta chance est le repas bazali. Ba to pe au bazali, pour la conviction bazali. Et vous voyez que le message à Bata Fayulu est allé Fayulu ou jamais. Donc, ce qui Fayulu te ebeba, ebeba. Na libanda déjà bozo yoka. Fayulu ou jamais. Na libanda déjà bozo yoka. Soli bazui pouvoir, et vous allez dire, c'est plus que Batoa Félix, c'est plus que le mille voix. C'est plus que le mille voix. Yangona na eloko yo ya Fayulu. Eloko donc, c'est ce que je vais dire sur Fayulu. Ce qui est à Kolanda Bissot, si réellement il veut se faire élire na ba congolais alongo na ba badon nyonso oyo azali ko kende ko ndima passé par là parce que créer une association ya support association to supporter faire tout le monde peut le faire et boyebiki ba flatter baza e belé si toi en Europe il y a beaucoup de flatter ah oui bango pe ba kende ko tenter chance le pamba. Ah, bato Félix a Congoli, Congoli batou na, na Europe, Congoli ba wakena bango. Fayulu pe a zwate pourquoi? Yango bozomona, donc y a trop de flatter. Fayulu ou jamais? Fayulu ou jamais? Mboka ouyo. Lelo Fayulu a komi na popularité, ben position est bandit. Mais ce que je sais, ngana yebi, que Fayulu, azana position moi kondi makaka oui oui, mutunyo sa kosa l'association pona ye andimi, mutunyo sa kosa la boya andimi. Mes chers amis, et loko na lingai koloba awa bola ndanga maramu. Na komi post na lobi na moment oyo ba négociation ba discussion secrète ezali ko salema pour na transition Félix a joué 2 ans de sous classe politique ba négocier. Mes chers amis, soyez naïe na lobi li kambo. Bondi me la kabiso. Même li kambo ne zali ya lukuta. Même zali ya mabe. Bondi manan. Donnez le temps. Boko ye baso ki zala ki lukuta ou bien zala ki ya solo. C'est pas important yako yako fingangay. Même si yo contredire nga, que non li kambo lobi, monsieur. Ezali vraiment ya solo te meka ko revoir. Nakoya na koyebisa yo. Mes chers amis. Donc réseaux sociaux oyé comme si mutu nyo sa liberté, okoyé ko lobe même mutu oyo koki oza kutu na poa na yete. Donc le fait que oyo na lobby et ça ne vient pas de moi. Ma négociation secrète est allée au Salema. Pour la transition, il y a 2 ans. Naza Zoba. Parce que j'ai dit, je vais faire un peu de temps. Tata Yasuki a pembe. Zoba, moko bouye. Oya koloba bou Zoba. Mes chers amis, Moutaza koloba Makambwana, c'est un petit garçon de la rue. Mes chers amis, lelo na ye na moi vidéo opona ye bisabino nazali ko confirmer. Ba négociation secrète ezali ko salema. Ba toa Fayulu bazali na kati. Le petit là qui nous insulte na Paris. Ala la rana Fayulu te. Lelo bomoni ba politicien oyo nyonso bozomona. Ba Fayulu, ba Muzito, ba Kabila, ba Tshisekedi, ba Katumbi, ba Kamere, tout le monde. Bazali na ba point focal na bango ya communication. Bazali na ba kano ya communication. Ebele. Fayulu akanga ba kano ya communication te na Kabila, na Félix. Bato Félix soki balingi ko benga Fayulu bako zwa Fayulu. Bato Félix soki balingi ko benga Katumbi bako benga Katumbi. Bato a Félix soki balingi kobenga mozito, bakobenga mozito. Politicien moko te akanga bakano nyonso akanga ya communication ke non ngai na tokata inyama azalite ya na pa. Leki na biso aza na pari alalaka na Fayulu te. Leki na biso aza na pari soki bato Félix abengi Fayulu. Fayulu aya oyebisa ete abenga ye ke non ekoute na kabila Félix auti kobenga nga voilà to solo ni buto. Jamais. Eza mensonge. Na minute oyo nazali koyebisa bino. Institut Carter ya ba américain boyebi yango. Bangonde batu bazali ko komene ba contact oyo batu Félix na batu Kabila. Pardon, batu Félix na batu ya Katumbi, batu Félix na batu Fayulu bakende na compromis politique. Bakende na compromis politique na lobby ndengwana ndeko na ngai mon petit frère yote moto zali ko maîtriser Fayulu yote moto simba ka ba téléphone nyonso ya Fayulu yote moto gère ka ba communication ya Fayulu yote moto gère ka ba contact ya Fayulu. Eza la mwasi ya Fayulu alala kana ye mbetu moko. Ya de contact ya Fayulu. Ba conversation msu ya Fayulu. Mwasi na ya yebi ya ngote. Me koma oye kaka boye. Je di oui ba negosyasyo ezali. O sote mbala moko. Tata moko ya mokolo. Ya mandefo pembe. Suki ya pembe. Zoba zoba. Ozo ya koloba n'importe kwa. Mon frère. Est-ce que vraiment oza ko rezone? Même en dehors, il y a Makambo, toujours, il y a politique. Est-ce que vraiment vous avez raisonné? Ce qui vous allie une personne décente, n'a pas d'excuses. Mais n'a pas de Congolais, représenté en côté. Il y aura un jour représenté d'excuses. Notez, data lelo, il y aura un jour représenté d'excuses. Chers amis congolais, ba négociation est allée. Ba négociation est qui est bandit pour nanini. Un, tokende d'abord la commission électorale. Monsieur Kadima, à l'obiboué, excusez-moi, nazotanga. Kadima a présenté ba contrainte à la mise en œuvre du calendrier du processus électoral 2023. Kadima a présenté ma crainte, ma contrainte plutôt. Insécurité à l'Est. Kadima Zali Kosinga, gouvernement, est responsable pour rétablir paix dans l'Est pour l'élection Salema. On a contrainte à Liboso. Kadima a écoloba conflit intercommunautaire à travers le pays. Kadima fait allusion au conflit entre Teke et Yaka. Kadima lobi avant l'élection Salema, il faut Kimia et Kota. Kadima lobi impératif des temps avec obligation d'utiliser les transports. Contrainte. Kadima lobi inexistence de certaines infrastructures de transport. Rabilité de vote, bah, il ne peut qu'un défunzele, la madame Banzele, zate. Bobong sa Banzela, poto sa l'élection. Kadima lobi, retard dans le décaissement des opérations yabe élection. Kadima lobi, mbongo ezo bimate, pou ya salisa maponami, na timing ndenge ba yokanaki. Kadima lobi nécessité de garantir l'autonomie financière de la CENI. kadi malobi mbongo même oyo bayokana ki kopesa ye soki alingi kozwa azana liberté azwa jour alingi te era alingi te monta alingi te ba contrainte wana il faut bobongisa po ye asali amemela bino be election kadi malobi adoption à temps de la loi portant répartition de sièges na lelo répartition à ba siège il y a élection et salamate il faut salama avant hier ça c'est élection toza déjà dans le mois de mars na mois de mars au mois de décembre élection ezali kadi malobi pandémie bon wana c'est liki ba pandémie mususu faut faire attention il y a Ebola où ezali ko ressurgir na partie est ya mboka na biso où ezali commission électorale. Deuxièmement, vous avez vu les députés ya Kivu, ya grand Kivu réuni. Ba député wana balobi pona mugulu bitumba où ezali na est ya mboka na biso élection ko iko salemate na bomma oyo. Félix Alobi, soki bitumbe ezali, élection ekoki kosalemate. Eko bebisa organisation abe élection. Or bitumbe ezali. Donc, organisation abe élection, eko salama na moment oyote. Voilà ce qui a poussé l'Institut Carter pour babanda ko influencer ba politiciens, ba kele na dialogue. La question maintenant qu'on se pose, oyo le ki na biso na Paris, il fallait atuna. Est-ce que ba to fayulu oyo bazali ko kende ko yoka ba discussion wana? Position a fayulu ezali andimi azo yamba bango bazali ko solola ou bien bazali ko solate. Fayulu pose des préalables. Fayulu a boité ke a kende ba négociation wana te a boité lokuta. A boité. Fayulu pose des préalables. Mais dans la discussion, bato bazali ko kende. En quoi naza zoba? Mes chers amis. En quoi naza zoba? Juste pour na lobi, oyo yo yebite. Fayulu oyebisa yote. Non, eza lokuta. Dans ce qui va négociation, ezali, ngaye funa yeba, ngaye funa zali, yo nani. Yo nani lokuta. C'est faire de l'importance, importance moko oyoza na ngote, mon cher ami. Et si kapatou ba diskita kana mondo oyoza te. Na kofinga yote. Si yama o site kombo na ngate me. Tout ce qui t'y a dit, ça me concerne parce que c'est moi qui ai posté ça. Et oya qui paye na poste na ngai, otuninga me démarche na yokuluto ezani. Na pesi yo pe réponse. Yo moko, mes chers amis. Ce petit lui-même est venu me proposer un débat. Atuninga me kuluto démarche na yo ezani ni, fayulu ba négociation ni, nazali ko kende, na répondre ye pe. D'une façon patriotique. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été débattues pour que l'on ait une élection où on a été prêt pour un débat. Oui, nandimi, na répondre, oui, nandimi pour un débat. Na chepe na poste. Na che ma kominaye ou akomaki na che. Ou penga na répondre, ye na che. Ou azali ko senga. Tokuta na na débat. Débat, eza madame, eza babete, eza discussion entre frères. Entre batu o bazana ba opinion différente et ça m'a bêté nandimi au lieu de débat il vient avec une vidéo ko finga Est-ce que vraiment, et ça, Makabongo, même Bino Batubozali Pembe Naye, beaucoup misate, Yinda Kamabe, beaucoup misate, non. Non. Nga na zana fonction moko ya l'État, ti, ozana droit au finga ngate. Pourquoi? Parce que na lobby ke failu azo ke ngo négocier, et lobby soko moni ke oui, ezala ki vrai. Ozana nini? Ozonga posé nga pardon. Vraiment, ozonga posé nga pardon. Na yebi ko zonga te, oke négocier nga pardon na toilette na yo. Na toilette, et ozala yo moko na kosenga pardon. Mes chers amis, élection. Ba o bazali kotuna. Bozali na plan B te. Bozali na ni te. Baza ba, ba menteur lokuta. Plan B. Plan B c'est quoi? Biso toza na plan B te. Biso toza na plan banda kala. Depuis Jean-Pierre Bemba. Ce pays n'a pas besoin des élections. Yé moko le petit là l'a dit. Ce pays n'a pas besoin des élections. Oui. Mais si vous avez besoin d'une élection, Fayulu, ce qu'il fait, ce que Fayulu fait, c'est de maintenir sa présence politique. C'est tout. Fayulu est si kavandi à Yebi, élection au Yazali Kokende. Na mois ya janvier 2024, Tshisekedi akozala, programmé président. Fayulu le sait. Mais c'est parce qu'il veut, il veut pas suivre ce que les Congolais lui dit. Yango zomona azoke une élection. C'est comme si nako tchango d'une façon simplifiée. Pour bande que belé ba comprendre ngai. Ce que Fayulu dit mes chers amis ezani. Eza lokola na kati ya libota na kati ya famille. Famille bani kolamba biloko fête ezali. Balamba repas pour famille balia. Papa na mama basalaka. Bana bakenda la classe. Bo comprendre nga, na sens figuré ndé na zoloba. Papa ezala ko la président de la République. Mama ezala ko la institution ko la parlement. Bana ezali biso ba Fayulu, ba Muzito, ba Matata, ba tunyoso na tozali bana na kati ya libota. Ba paraba lobi bon biloko to ko lamba lelo le repas lelo to bengi sa tata mwasi ya ko lamba tata mwasi wa ya ko lamba nazali ko representer lokola commission ya election ya ko lamba la biso apesa biso tolia tata mwasi ye abandi ko lamba mwana moko obie bana Fayulu, par exemple, azo mona esika tata mwasi azo lamba, tata mwasi azo tia poison. Bo landa nga bien. Tata mwasi Fayulu, loko la mwana, biloko oyo biso nyo soto kolia, yepe Fayulu kolia, bapara pe bakolia, tata mwasi azo tia poison. Fayulu amoni. Elini koloba, Fayulu amoni, be eleksyon oyo ndenge zo salema, tata mwasi, Commission électorale kadi mazo salango tricherie ezali azo lamba ngo malamu te Fayulu ayeko belela ipa ya bana mususu eh bandeko bandeko tata mwasi biloko azo lamba malamu te azo tia poison biloko eza mabe azo tia poison mais c'est le même Fayulu le même mwana oyo amoni ke biloko tata mwasi azo lamba eza mabe azo tia poison. Le même Fayulu aza ko bongisa ba kiti po batia biloko balia a bongisi ba kiti bo vanda tokolia bo vanda tokolia mais auti ko loba kuna ke na moni tata mwasa zo tia poison bo kanisa bande konanga nani aza zoba Fayulu constate que kadi mazo sa l'élection malamu te ce qui est vrai mais c'est le même Fayulu qui pousse ces gens na ba flatter na ye tokene na election Tshisekedi ne bouge pas azolongo na mutu te azolongo na kadima te azo changer l'autre côté ba demande ya ba opposant wana nyonso bazolo ba opposant élection to futo vérifier boye Tshisekedi ne bouge pas. Mais Fayulu persiste au Kenya des élections. Mes chers amis, voyez bisanga, moto zoba, eza moto tata ya souki ya pembe zoba ou bien zoba bino. Non. Yo soko monyo ko sala mieux Kenya na Congo. Et la personne qui dit ça, c'est une personne qui vit en France. La société, ce n'est pas tout le monde qui a kendaka ko sala makambo. Non, il y a des gens qui a kendaka. Fayulu o azana ngo, ye moko ya effort personnel na yete ti a komine ngo na biso to komisie biso nyoso, toi y compris. Non, so moni Fayulu azo sala ni ete yo kende kende ko sala. Ah, donc Congolais nyoso il faut kende. A kende kuna kende ko sala pour mona ke oui, mboka ezala ngona, c'est comme ça ça marche. Tu es de quelle école? C'est comme ça, ça marche? Ngai, ce qui est dans le lobby, n'a pas contre Fayulu. Et ça a livré. J'apprécie Fayulu. Et dans le bakango, Fayulu a zali un type bon. Pour na solo la kanaï. Mais un mauvais décideur. Na loba yango na vidéo ya liboso. Ceux qui pèsa ba coach soit za étudiant na cadre que za étudiant na ngai. Fayulu na cadre ba décision na ko pèsa yé 2 sur 10. Alors, ce que Monique na lobby ma B. Oh na lobby za li vraité. Et pourtant il y a des gens Oyo basu les mêmes informations. Tout de suite là avant la bande, j'ai vu des gens lokola ndeko na biso na Belgique Fabio Swanika qui l'a écrit na poste na ngai, il a écrit le bingai pe na zui ba mêmes informations que bazali ko négocier et ba to Fayulu bazana kati. Nani apesi Fabio Swanika information na ngai? Moi, je ne suis pas Kinshasa. Bah, tu es belé, bah, comme elle, oui, prof, vous en avez raison. Oh non, bah, tu wana, baza, tu yebi bango, baza, bah, tu as pouvoir à utiliser. Ngaï, pouvoir. Il y a Félix à utiliser Ngaï. Pour n'y avoir que discréter Fayulu. Sérieux, ça. Ou bien bozo mela makasa bozo mela yango ezo sala kabino bongo ngai Félix a utilisé ngai je travaille avec les pouvoirs Félix m'utilise contre Fayulu vraiment et batupe bazon di maye mokondi président au lobby ya solo oui ya solo vraiment qu'est-ce qui se passe na mitou ya bande ko na biso ebele bazana Paris qu'est-ce qui se passe. Ba molekile dini ba tiela kabino na milioko kolia, oyo vous perdez même la raison. Soko monike makambo na lobby, eza mabe, eza lokuta. Yo moko propose débat. Ah, ndeko. Nga na lobby, oui, na ndimi débat. Kasi yakati. Yaka ovandi, batu bavandi, tosololi. Tosololi. Batu batuni biso mituna, ba facilite biso, o répondre, na répondre. Na souka nango batu bazui conclusion na bango que oui tata oyo ya souki ya pembe akosaki leki oyo ya mayele oyo alala kana fe na Fayulu wa yebi makamonyo sa Fayulu même dans les sous-vêtements ya Fayulu wa yebi azana raison honte à vous. Ba candidat. Wana point 4. Je vous dis, élection à 2023. Mes chers amis, bon matabo kita. À moins que Mbouma eleka. Félix a commencé à maintenir le pouvoir. Fayulu n'a aucun outil. Bato nyon so bazo lo bawana na Paris. Biso Fayulu. Na 2024, au mois de janvier, na tango ka dimazo proclamé Félix. Bato nyon so vont se taire na Paris. Bako kitate kuna ba kene kosali sa Fayulu. Bako kitate. Ba hypocrite. Tozalia wa, bo garde vidéo oyo. Ba candidat. Na yoki baza ebele. Fayulu, Muzito, Matata, Nanga pe, alobi clair. Ba contexte son élection, alobi yango. Mais je vous informe, sauf imprévu, a changé maloba na ye. Non, a changé vie na ye. D'ici mois de juin, le docteur Mukwege va se prononcer. Comme ça, va flatter au nion sur balala. Nous, on ne dit pas Mukwege ou jamais. Non. Ba candidat nion sur Boya, denge bolingi. Boya. Sauf imprévu. D'ici mois de juin, Mukwege va se prononcer. Et beaucoup mona support na biso. Beaucoup mona batata oyo ya suki ya pembe ya bazoba, beaucoup mona bango. Beaucoup mona bango. On n'a pas besoin de coalition Mukwege Fayulu. Non, parce que derrière Fayulu il y a des badauds, basé pelé il y a beaucoup de badauds. On ne veut plus de Fayulu. Bien qu'il est intelligent, mais c'est un poltron, peureux. C'est un poltron. Na lobby yango. Tokotala. Mais vraiment, moi, je n'ai pas compris na kabatouti. Bonjour, qu'il y a une belle élection. Vous avez besoin y'a battre. Mais voilà, na yebite Fayulu soki apona kabatu na ye ndenge nini soki apona ki bango bien ce sont eux-mêmes qui se sont autoproclamés. Bozoya na langage moko ya division. Oh. Mais moi je peux faire rater l'élection ya Fayulu pour na batumi balé mais ça tout parce que voya moto moko mi balé, ça compte. Moi, Batunanga, Obalandanga, même Baza Mi Bale, Baza 3, Baza 4, Baza 5, na Congo. Multitude y a ba candidat. Ce qui est dans le lobby, Bandeko, bon vote yete. Et Zali gain ou bien perte pour la Fayulu. Et nan y a faire des capotés en haut. Des badauds comme Batumsusu, Baza Kolobalo, Baza Pampa. Alors, conseil, n'a pas c'est pas Fayulu. Si réellement il est un vrai politicien, atalaka nani azope sa autorité yakoloba na kombo na ye. Si Félix a échoué aujourd'hui, ce qui Félix a échoué lelo, mingi a échoué po na ye mokote Félix, les comportements ya batou na ye. Les comportements ya bande konabiso ba milouvor. Batou ebele lelo balinga ko sentir Félix était. Félix a sali bango peut-être de l'autre côté. Ce qui va y avoir ma cambage sur un bocaté. Mais comportement y a battu Félix et tinda battu et belé. Bah, c'est de solidariser na Félix. C'est la même chose avec Fayulu. Bazo y a na même. Les langages se copient conforme à battu y dépèse. Au contredire bango, au lieu ba y a bo solo là, non, il préfère ba finga. Battu y dépèse ba sala kabongo. Au contredire bango, non. Bakomiko luka ba raison. Bakomiko finga. Oh, mais non. Oyonga na lobby na fingite. Na lobby, bazali ko négocier. Bata Fayulu pe bazali. Si vous êtes contre, bon, le monde qui est à l'okuta, yaka, tout s'est changé. Yaka, tout s'est changé. Pourquoi insulter? Pourquoi? Pourquoi ça vous donne quoi insulter? Ça vous donne quoi? Moi, j'insulte Félix parce que Félix Azali Moto Azali ko dirige Mboka na biso. J'ai le droit de l'insulter. Ah oui. Alors, tous les gens qui n'ont point Oyo, 5 dans le baki, qui vote, n'a pas voté. Dans le bel air, moi, mes chers amis, vote. Et Zakarate, au Lamou qui aujourd'hui, au Kenya bureau de vote, aux bulletins au voté. Chez nous, tout y a analphabétisme et ça élevé. Bande kwe belé na mboka na biso bazali na capacité te ya koyeba vote ezali nini, pourquoi nazali ko voter, nani na ko voter, ba yebite ba to mboka na biso ezali kaka opesi bango tricot a voter yo e ezalo za moyibi mozito sera voter na ebiofa pardon na gumu mozito sera voter. Bande kwa nyoso ya gungu ba yebi, ba ko vote mozito paske ba yoka ka mozito mfumon pa. Ba ko vote mozito pona pase na yete. Ba ko vote mozito pona oyazalite. Ba ko vote mozito po na proje de société na yete. Non, ba ko vote mozito paske ba yebi. Yangwana, il faut qu'on revoie. Dans un pays comme le Congo, avant to koma na niveau. Il y a ba mboka oyo quand même baza ba responsable pour nous voter. Nous devons penser à ce point-là. Qui doit voter? Pour Nassili ça, tout le qui déjà une heure du verre Nabiso. Bon. Bon, moni, comment est-ce que ces gens mingi bavani en Europe, comment ils agissent? Boyebina lobaki une fois na vidéo na ngai sur ba toilette ya na gare ya Lyon na Paris. Ce que j'avais dit c'est vrai. On va comprendre yango te soki o voyageati. Il y a des gens à longwe kaka Congo. Au longwe Congo au ke Paris. C'est vrai. Soko longwe kaka Congo mbala moko ke Paris. Ma place est belle à Paris, au moins toujours propre. Parce que au moins ma propriété, ma mboka moussouté, au moins te, au outil kaka na Congo, au moins kaka ndenge Kinshasa na biso par exemple, les Ali, au Kenya na Paris. C'est vrai, vous allez trouver Paris une belle ville. C'est vrai. Na contexte, il y a gare à Lyon. C'est vrai. So, utaka ka Kinshasa, okei na gare de Lyon. Okomona ke oui, na gare oyo, na niveau, na dimension, na akei, ya gare de Lyon. C'est vrai, okoloba ke ba toilette ezali. Mais soki o voyage, e bele na mokili, o voyage ba mboka, mes chers amis, na zanga mokote, boke na Google, bo beta, toilette na gare de Lyon. Vous allez voir, c'est pas moi. Bah français, bah bangou moko bazo koma. Que gare de Lyon, c'est une honte pour nous les Parisiens. Bangou moko bah français bazo koma. Namoni, là je cite les noms. Na tango na loba ki eloko wana. E belé bah finga kinga. Na ba o ba koma na gare de Lyon ti. Moi j'ai des gens quand même. Oyo balanda kangai. Bien que na yibi bango physiquement ti. So ki na lobi li kambo. Paye la kango yoko, ah prof, li kambo wana place wana lobi, olobi malamu te, prochainement meka ko rectifiye. Prof, li kambo o li niko sala, mingi so yina li niko loba, nako poste sur Facebook, na wolo baboye, e bele paye la kango ba yisa nga prof, ko loba te. Na sengi bango permission te, je peux citer. Mama na biso na Paris, mama Anto Kinkala. C'est une dame qui me suit beaucoup, na landara epe mingi, on s'apprécie. À tout moment, ce qui est dans le bilikambo, ce qui est dans le bilikambo, elle vient toujours inbox pour aller à la prof Nabiso et si elle a un bilikambo, elle va rectifier. ou bien prochainement ko lobela ngote so ka moli na commune na ko lobali kambo boye akoyela na prof esika eloko na s'il te plaît ko lobati vanda. J'ai encore un petit qui s'appelle Félix Diaré. C'est un petit, à sa petite, au solo, il y a une fois, na téléphone, il y a un peu, il y a peut-être, bah, ah, je manque avec mon premier fils. Mais c'est un petit qui n'a pas le sens, il y a complexe. Ce que l'on dit, il y a un peu, il y a toujours, il y a un prof, pardon, kolobati. Il y a des choses, nandimelaka ye, nandimelaka bango. Baza ebele. C'est ce que j'aime. Naebi sakabango. Le yombis o pasolo la kanangai. Naebi sakabango. Il y a des ceux même na benga ka yebi sanga de faux nangai zani. Mais namboka na biso, batu ya bongo baza ebele te. Donc, ce que Fayoulou dit, ce que Fayoulou fait, c'est la parole d'évangile. Ce que Tshisekedi dit, c'est la parole d'évangile. Ce que vos pasteurs disent, c'est la parole d'évangile. Au contredire, t'es comme mekate, au contredire, bah, qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a Congolais. Na lobaki makambo gare de Lyon. Vous allez peut-être kokamwa mais prof lobeli yango sou pourquoi. Une semaine après na yoko mona leki na biso na Paris Pichu Chomongo. Ere moko ma bambote na inbox ezalaka. Na ba respenyos. Ayeko tinde na nga video. Alobi prof, olobaki makamba toilette à gare de Lyon, ke ba toilette ezati. Effectivement, prof, ba toilette ezali, mais yo ye ba kite esike ezali. A filmé na se, alaki si, tala esika yo zalaki, tala ba toilette esike ezali. N'a tout nié. Ce qui bolingi, je pense à Kolongo Lango. Tout seul na inbox, na ebisye mon cher ami, yo vani na Paris. Ba toilette ezali. Na niveau ya gare de Lyon. Vraiment ba toilette ezali. Alors, ba kaka o ezali banda. Ce qui obimi na ngambo olingo kende gare ya Bercy. Au long de la gare à Lyon, au bimi na gare à Lyon, ba taxi télé ma place wana. Pour mata côté à gare ya Bercy. Vous qui devez filmer si kawana vous allez voir ba kaka. Na tuni le ki na biso chomongo. Ba kaka wana, ça signifie quoi na gare à Lyon? Chomongo me répond prof. Na Paris ba clochard baza ebele. Alors, j'ai menti. Mes chers amis, Batouba Vandi na Paris, Bayebi. Compagnie à chemin de fer, Oya France, Mingi Oya Kaba, train ya Ekenda Kaba, pays Moussous, ba Suisse, ba pays Moussous. Nan mona nanou te compagnie Oyo Bazalaka na grève nding. Bazalaka toujours na grève R News. Un mois est choqué l'équipe, deux mois est l'équipe grève. Alors, mes chers amis, Batouba sombi billet. Ngana somba billet. J'avais une invitation à l'ambassade à Corée à Paris. Billet nanga retour na Genève. Na outaki Genève. Billet nanga retour na Genève et zalaki 18h. Na zwa TGV, na gare de Lyon, na zonga Genève. Na komi na gare de Lyon, grève. Et pourtant, na yaki jour yali boso ilandaki. na sala ki attention te na yeba ke greve kozala na ye na gare de Lyon nga moko te batu e belé greve y a pas de train. 18 heures. Bato basala kana compagnie on a toujours que nekotu na bango non il faut causer là peut-être ba kozwa moi exception moi ma train mi balé mi sa tezo sala. Alors mutu na mutazo tente chance na ye peut-être ce qui train moko ye. O sala tu o kota na kati. 18 heures. 19 heures. 20 heures. Train moko ezo yati. Bato ba komiko panzana ba kende ko luka ba hotel ba lala. Mes chers amis, na yebite soki leke na biso pichusho mongo asi a voyager na ba mboka msusu. Na gare loko la gare de Lyon. Oko kende ba toilette zali partout et c'est indiqué na musika. Et les toilettes, peut-être lek na biso ayebite. L'accès na toilette c'est parmi le droit le plus fondamental ya bato. Kokota na toilette. L'État oyo azali koorganize biloko lokola gare de Lyon, biloko lokola ba aéroport, même si ezali privé, même si ezali à l'État, l'État doit veiller que tout le monde a accès à la toilette. Je dis bien, tout le monde a le droit ya kokota la toilette. Mais ce qu'on kaye na gare de Lyon, a outi ko poste video wana. Atinde la nga banda kala. Il a gardé ça. Mais le lo abimisi yango pourquoi poste yango. Oh non, barobaki batolet na gare de Lyon ezate oyonini. Mes chers amis, ceux qui ont kenda na gare de Lyon te pardon, pardon, abstenez-vous vanda. Batolet wana la kisi d'abord na se. Na likolo, soko zayi na likolo, c'est pas indiqué que toilette yango yo toilette. Yan a pas. Maman Antoinette Kinka l'a vendu à Paris. Elle l'a confirmé. A l'obi, yé à sala pipi na bilamba, na gare de Lyon. A nous ka toilette à zomona te, toilette zate. Et pourtant, na bagarre yandengo na ba pays moussous, c'est bilé aux États-Unis, au Canada, na Japon, na Corée, na Australie, partout. Partout, soto kei. Bagarre, loko la gare de Lyon, ana. Ozomona na moussika, c'est en réalité, c'est chaque 100 mètres. C'est chaque 100 mètres, c'est chaque 100 mètres, il y a des toilettes. Mais où est-ce la gare de Lyon? D'abord, il y a des clés. Au cocotte à thé, ce que la clé, on a dit. Au cocotte à thé, il y a beaucoup à la Kissiango, allez-y dans la page, na, vous allez voir. À la Kissiango, pour nous cocotte à la toilette, on a, il faut avoir la clé d'accès. Alors, c'est pour cela, vous voyez, la gare de Lyon, ce qui est au bimé, les bandes, ba kaka, ba masuba, ba. Donc, tout, il y en a, c'est très sale, c'est dégueulasse. Tout ou à l'aéroport. N'a évité les qui n'a pas eu chômage au soquet à voyager. Bandeko, n'a pas cité qu'à l'aéroport, mouké. Bandeko, bakenda na New York. Na aéroport Kennedy na New York. Ba filmer boko mona ba toilette ndenge ezali partout ba toilette ezali parce que batou benzo ya ebele les gens doivent utiliser les toilettes. C'est un droit. Il y a pas de clé ba kamakati. Boko na aéroport ya Montréal na Canada. Il y a des toilettes partout. Ba kamakati. 24 heures sur 24. Bokende na gare o eza ndenge mo na gare de Lyon, gare de Lyon ko teza moke Seoul station na Corée, y a des toilettes partout. Boke na aéroport Narita na Japon, y a des toilettes partout. na gare de Lyon bokomona ya deux toilettes wana la kisi wana et il faut fongo les ala. Dites-moi, muto azali banda akoki kokota na toilette ya ba restaurant parce que kuna eza ba privé, il faut manger ba mso ba chaka ba cardinal ba ngosi na ke normal. Soki a moni station gare de Lyon, muto auti par exemple New York, muto auti Séoul, muto auti Tokyo Japon, muto auti Australie, conception na ye ezali ndenge moko na mboka avandi ke non ba toilette eza partout. Okende boyo kota na kati po kota na toilette il faut na fungula fungula ezate muto na kosala kaka wapi ngole e lelo abimisi video na tindela nga mo inbox ele ki lelo a poster yango pour dire quoi que non na kosaki mais on a lobaki abima akende na akende ko filmer na ngambo oyo nga na bimaki nzela oyo memi ezoke na garde de Bercy azala honnête a filmé totala a filmé totala. Pourquoi ça nyonso wana pona lobby Fayulu bata Fayulu bazali na négociation na ba discussion secrète et salimabe il faut pas koloba Fayulu c'est un dieu. Fayulu, c'est comme tu sais que tu es Mulumba. Fayulu, jamais. Candidat unique. Moutou moussou soit mekate, loukouta na bino. Loukouta. Et je vous promets. Je vous promets. Mais ça, c'est quelle sorte y a bat. Sorte y a bat, moutindo nini ouyo. Si vous prenez Fayulu comme Dieu, mais n'imposez pas ça à tout le monde. Ce pays ne vous appartient pas. Ça n'appartient pas à Fayulu. Ça n'appartient pas à Tshisekedi. Ça appartient à tout le monde. Ce que vous voyez normal, logique. Moi, je peux voir ça illogique. J'ai le droit de contester. J'ai le droit de critiquer. C'est ça la société moderne. Et vous vivez à Paris. Bon sang. Vous vivez à Paris. Fayulu ou jamais. Fayulu, je vous dis, Fayulu va mourir comme tu sais qu'il y a un pouvoir. Je vous le dis, je vous le promets. Bonjour vidéo. Fayulu a un pouvoir. Il va mourir comme tu sais qu'il y a. Excusez-moi, mes chers amis. Il y a des fois, ça fait très mal. Ça fait très mal. Toya boye pour nous lober l'ambo cannabis. Moi, je ne suis pas un flatteur. Naza na mutu o na flatakate pour apesanga ce qui a eu pouvoir apesanga poste, soit comme ministre abengisanga. Non. Je souffre de ma façon. Je souffre de ma façon. Famille nanga ba yebi. Même je souffre jamais na senga na mutu. Jamais. Jamais, je dis jamais. Je suis pas un flatteur. Ce qui n'a yé kolobe la mboka, ezaloza nde konanga. Na kolobe la yo. C'est ça la société. Yaka yebisanga makambo lobe ezaya solote. Voilà, voilà. Je peux venir et rectifier. Alors pourquoi gratuitement comme ça, tata moko ya man, suki ya pembe, zoba, zoba. Ah! Pichu, shomongo, c'est vrai. C'est vrai, petit, c'est vrai. Vous êtes sérieux vraiment. Alors, au filmé gare à Lyon posté na kosaki ke ba toilettes za te ba toilettes za li. Na ebite soko voyage be voyage te. Soit caméra na yo, na za zo bazo ba. Soit caméra na yo kita na Corée. Kita na Corée, filmé ke oui moto za zo bazo ba. Ozonga ola ki sabato. C'est triste. Mboka na biso eza na chance te. Franchement, je vous dis, mboka na biso eza na chance te. Batu ba tia motema na oyo, bazo décevoir. Batu tia motema na oyo, bazo. Mais Fayulu est en discussion secrète. Je vous l'ai dit, nazo confirmé yango. Et quelqu'un de Fayoulou à Pate Kinshasa me contacte pour me dire Batou ya diaspora, ya Fayoulou, bazo, bazo tcha pression awa Fayoulou, a sala communiqué, basala communiqué que ya zana na négociation secrète ou alati. Toyoka yango, batoye de pes, natan ou tolobaki, batoye de pes bazana ibiza ba négociation, batoye de pes ba ya yiko finga biso. Mi yibi ba jalou, tozana négociation te. To souka ki wapi, ezala ki bezala ki te. Ezala ki bezala ki te. Prouvez-nous que Fayoulou a kata contact, kano ya communication, na batou ya Félix ezala kate, na batou msou ezala kate, azaka ye moko na binon. Prouvez-nous ça. Chers Congolais et Congolaises, nazo yib sabino, na yebi ke bozali batou vous analysez. Vous avez esclaves ya batouté, vous avez esclaves ya politicien te, sortez nan prise wana. Bo bima nan prise wana. Libérez-vous. Libérez-vous. Bino moko, okoyi ko zwa information na yo, okoyi ko landela, osali ben investigation na yo, vous allez comprendre. Ce n'est pas un groupe comme ça, ba bongi se ba flatter, moko boye, ba ta mo pape. Oh, biso Fayoulou, va soutenir Fayoulou. Fayoulou ne prend, a kozwa pouvoir te nan boko yo. Ce qui a zakar na batou loko na bino, a kozwa yango jamais. Toz ale awa, gardez cette vidéo. Gardez cette vidéo. Ah oui, biso to, bon, nous avons appelé ça biso chance to solo la kana mwa batu. Oyo basala ke na mboka wana er moko soli balobi boye boye balobi peka ndenga na ça va pas changer. Bazo loba. Otuni me Fayoulou ko ba il faut laisser. Il faut laisser. On va utiliser Fayoulou comme on a utilisé Twenty Secret wa Molumba. Quelqu'un me l'a dit na New York. Quelqu'un me l'a dit. On va utiliser Fayoulou comme on a utilisé Etienne Tshisekedi de Molumba. Abanda ko yaka ka ko sala bino bambriuma élection tokende. Même si l'élection n'est jamais bé, yemoka lo beza mabé. Yemoka lo bika di mazo préparer tricherie. Et loko moko ezo changer té. Ba lobi bo changer boye, bazo boya. Bo changer boye Félix azo boya. Mais azo persister tokende élection pour la finalité nini. Pour la finalité nini, oyebi déjà. En amont, il y a déjà que Félix a triché. C'est bien organisé. Tout le monde a la piste. Alors, il y a aussi une élection pour la finalité nini. Le pape est venu. Il vous a dit, réveillez-vous. Macron a eu à la piste. Image, il y a aussi à la piste. Parce que vous croyez dans Batouane. On ne demande pas Nabatou de révolter. Fayoulou a yebi, qu'est-ce qu'il faut faire? Toya Kolobango na lini boete. Fayoulou a yebi, il a peur. Oh non, yo yaka kasi. Ezalaka bongote. Ezalaka bongote. Ce qui bolingi, bo pesa ngai. Parce que ko yeba na Fayoulou. Fayoulou a yeba ni te pon effort na ye. Il n'a fait. I form mon côté. Rien du tout. Bisson de ton commissaire Ndengwana, na yo, na ngai, bisson yo se ton commissaire Fayoulou Ndengwana. Ce qui bon lingi, bon monde, le contraire, ou yo Fayoulou azo salate, bon commissaire Ngan Ndengwana Fayoulou azali, vous allez voir. Vous allez voir. Mes chers amis Yombis, excusez-moi, il fallait quand même, bouzo beza mingi. On peut se contredire entre Bissot et Autonomique et Batou Yalit. Tous ont lutté contre Batouana. On peut se contredire. On peut se contredire, c'est normal. Moutoura Moutouazana Bouti a réflexion morote. Peut-être Ongana Lobi n'a pas raison. Oyo Lobi a raison. Entre nous, ce sont des différences de vie. On peut se voir. Tokoyi ko solo lango entre nous. Na lobby boy, yo lobe zandengwana te. Yo moko o sengi nga tokende na debato solo la. Na ndimi. Na sengi pe na bato. Bo sali sabiso na ndeko oyo. Pona makama be election ngai na bango ezo yo tozo yo kanate. Alors to explique ba ninga mususu. Po ba comprendre pourquoi moi je suis contre election. Pourquoi ye aza pour election. Bato o bako yo kabiso na suka. pas comprendre biso ba koyeba nzela nini balanda olie ya ya kofinga tata moko ya suki ya pembe ya zoba zoba ngana za zoba chomongo franchement merci merci gardons cette vidéo merci ya yope na garder amo merci beaucoup merci kimbango aideyo mais tous alia voilà mes chers amis il fallait le dire les alliés de konabino moi na meni kongo ngudia kama ki yanzi kola les dragons rouges beaucoup tout bela merci partagez ce message partagez parce que manipulation est qui est belle la bande qu'on a vu sur Europe manipulation est qui est belle merci au revoir.